Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et de la gastronomie, on passe à la médecine. On ne connaît pas tout du corps humain, on fait sans cesse des découvertes sur les fonctions de certains gènes, le rôle des hormones, mais voilà même, et voilà que l'anatomie nous réserve encore des surprises. Des chercheurs ont découvert récemment un nouveau ligament dans le genou, une découverte que va nous raconter Philippe Rioux. Bonjour Philippe. Bonjour. C'est vraiment surprenant en fait cette découverte-là. Quand j'ai vu ça, je suis tombé un peu en bas de ma chaise et j'y tombe encore en fait. Donc c'est sûr que la science de la description anatomique est quand même très ancienne. Là. Elle remonte au début des dissections, une époque où plusieurs médecins amateurs devaient littéralement voler des cadavres pour effectuer leurs études anatomiques parce que c'était illégal de faire des dissections. Et étant donné l'âge de cette science-là, il est quand même surprenant qu'en 2013, il y ait une équipe de Belgique qui puisse écrire un article sérieux, décrivant en détail un nouveau ligament dans le genou humain. Un autre rappel qu'en science, il faut rien prendre pour acquis, disons. Mais quand même, comment un ligament peut être ignoré pendant autant de temps? Ben, à la défense en fait des spécialistes de l'anatomie, le genou est vraiment une structure très complexe. Même si sa fonction est somme toute assez simple, la flexion et la légère rotation de la jambe. Le genou, pour se stabiliser, fait appel à de nombreux ligaments. Et pour rappel, en fait, un ligament, c'est une structure fibreuse qui relie deux os ensemble. Et un tendon, par contraste, étant une structure qui relie un muscle et un os. Donc là, on parle vraiment d'un ligament. C'est ça, c'est bien de le rappeler. Là. Donc une structure qui relie deux os ensemble. Donc ainsi, plusieurs ligaments et tendons s'entremêlent autour du genou. Et cela, se rajoutent des ménisques qui sont des formes de socle cartilagineux qui entourent l'articulation pour tenter de la stabiliser. Et d'ailleurs, en fait, contrairement à l'articulation de la hanche qui est constituée d'une boule et d'un socle dans lequel la boule rentre à l'intérieur, donc au niveau de votre bassin, vous avez un socle dans lequel la boule du fémur rentre. Si vous prenez vos mains, vous pouvez prendre l'image d'un point qui rentre dans l'autre main, comme papier, plutôt dans papier qui entourait roche à roche-papier-ciseau. Alors qu'un genou, c'est plutôt comme deux roches qui sont une sur l'autre et qui essayent, en fait, de se stabiliser. Donc, le genou, c'est vraiment instable et ça demande alors donc beaucoup de ligaments. Donc, durant tout ce temps, en fait, au travers des ligaments, des tendons, des ménisques, un ligament a réussi à se cacher de l'œil des anatomistes. Oui, et des chirurgiens d'une autre manière, mais d'un autre côté, on pourrait dire que certains chirurgiens se sont peut-être pas posés assez de questions pendant très longtemps, en fait, de qu'est-ce que c'est que ça. Et évidemment, il était toujours là, le ligament, mais parfois, il était considéré comme un autre ligament ou un morceau d'un tendon. Il était des fois difficile à observer à cause des techniques de dissection, ce que j'ai cru comprendre. Donc, de la manière qu'on ouvre le genou, que ce soit pour une opération ou pour une dissection plutôt académique, il y a des techniques, dans le fond, d'ouverture de ces corps-là et les techniques d'usage, d'habitude, devaient déchirer ou plutôt cacher ce petit ligament-là. Donc, il y avait été localisé avant, mais ses points d'origine et d'attachement étaient souvent ambigus ou tout simplement erronés. Donc, à travers les époques, plusieurs scientifiques ont essayé d'en faire la description, plutôt, disons, comme une seconde pensée, pas vraiment comme un objectif principal, disons, il disait en passant, on a trouvé ça ou tout ça. En fait, la première description de cette structure-là remonte quand même à 1876. Donc, après seulement 137 ans, 6 missions lunaires, il y a finalement une équipe de scientifiques de Belgique qui ont décidé de régler la question une fois pour toutes. Bon, mais comment on identifie formellement une nouvelle structure anatomique au juste? En fait, ça consiste en quoi? Le procédé scientifique est quand même assez simple et il faut beaucoup de cadavres. On commande beaucoup de cadavres. On commande en fait... Donc, ils servent à ça, les cadavres. Exactement. Donc, d'ailleurs, si vous voulez, quand vous allez mourir, vous avez une autre option autre que de se faire enterrer, se faire brûler. Vous pouvez donner votre corps à la science et il y a des chances que votre corps soit utilisé au niveau de ces genres de recherches-là ou pour la formation des étudiants en médecine, en passant. Donc, si vous voulez donner votre cadavre, ça se peut que ça soit servi pour ça. Donc, ils ont pris 41 cadavres qui avaient des genoux en assez bon état. Et ils ont ouvert tous ces genoux-là, ils ont décidé de vraiment observer qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les choses qui changent, c'est quoi les choses qui ne changent pas. Ils ont redécouvert, ou plutôt réellement identifié ce ligament-là sur 41 des 40 cadavres. Donc là, lui qui le manque, on ne sait pas s'il est né sans ce ligament-là, okay, ou il aurait peut-être eu une blessure au niveau de ces deux ligaments-là, c'est plutôt pas vraiment clair. Et là, ils ont décidé en fait de l'appeler... C'est un nom qui avait déjà été proposé, mais le antérolatéral. Le ligament antérolatéral, c'est probablement pas comme ça qu'il va s'appeler en français, parce que ça, c'est la version francisée, mm-hmm, du nom anglais qui a été donné dans la publication, qui donc c'est anterolateral ligament. Donc, si vous voulez le raccourcir, ça serait le ALL. Et il se retrouverait du côté extérieur du genou et attache le fémur au tibia. Un autre ligament qui est appelé le ligament collatéral fibulaire commence au même point au niveau du fémur, mais il s'attache lui au péroné, au niveau de la jambe. Donc c'est vraiment, disons, un voisin d'un ligament qu'on connaissait déjà. Et maintenant qu'on sait que le ligament antérolatéral existe, ça change quoi exactement, ça? Ben, dans la vie de tous les jours, ça change pas vraiment grand-chose, parce qu'il était toujours là, il faisait toujours son travail, même si il n'était pas dans les livres. Il s'est pas connu, c'est ça? Mais les chercheurs ont tourné les genoux pas des patients, mais des cadavres, pour savoir un petit peu, donner une idée de quelle était vraiment sa fonction. Et en fait, pour savoir la fonction d'un ligament, tu essaies tout simplement de bouger l'articulation et tu regardes où... dans quel mouvement, dans le fond, le ligament devient le plus tendu. Okay. Lorsque le ligament devient extrêmement tendu, ça veut dire qu'il tente d'empêcher ce mouvement-là. Okay. Et étant donné, comme j'avais expliqué, que le genou s'appuie sur une variété de ligaments pour empêcher toutes sortes de mouvements non désirables, c'était vraiment important de savoir dans quelle direction. Et là, il faudrait que je revérifie, parce que je crois que je me suis peut-être un peu mêlé, mais j'étais plus sûr si c'était la rotation intérieure, ou plutôt la torsion intérieure, mm-hmm, du genou, que ça l'empêchait. Mais peu importe, c'est vers l'intérieur, ça c'est sûr. Et ça c'est vraiment important, parce que ça l'indique en fait, c'est en relation avec la raison pourquoi ces chercheurs-là ont décidé de faire ces recherches-là, parce que ces chirurgiens-là faisaient des traitements au niveau des gens qui ont eu des blessures au niveau du collatéral antérieur, le croisé antérieur plutôt, le ligament croisé antérieur, qui est vraiment une déchirure commune, une blessure sportive assez commune. Donc, ce qui arrivait, c'est que certains patients avaient encore des symptômes après une réparation du ligament croisé antérieur. Et ces chercheurs-là se sont dit, ouais, il doit avoir une explication pourquoi, même si on répare le croisé antérieur, ces gens-là ont des problèmes. Donc, ils se sont dit, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui aide le croisé antérieur à faire son travail. Et c'est ça vraiment qui a, dans le fond, permis la découverte du nouveau ligament. Mm-hmm. Mais alors, le fait de mieux connaître le ligament antéro, le HAL, en fait, ça pourrait changer la façon de traiter cette blessure? Oui, quand même, parce que je crois que, en fait, tous ceux qui travaillent au niveau des blessures du genou doivent vraiment porter attention à cette découverte-là, parce que c'est pas tous les jours qu'on découvre un nouveau ligament dans le genou. Mais plus particulièrement, tous ceux qui travaillent au niveau des déchirures du croisé antérieur doivent vraiment se poser des questions au niveau d'anciens patients qui ont peut-être eu d'autres problèmes. Et c'est sûr que ça va changer, disons, le traitement de la déchirure du croisé antérieur, parce qu'il va maintenant, être obligatoire, ou plutôt très avisé, de vérifier l'état de l'autre ligament qu'on vient de découvrir, pour vérifier que lui aussi n'a pas été déchiré. Et c'est ça qui, je crois, qui va faire la différence au niveau du traitement des blessures au croisé antérieur. Et ça va probablement changer la vie de beaucoup de gens, surtout au niveau des sportifs, parce que c'est surtout les sportifs qui étaient affectés par ça, parce que c'est des blessures qui peuvent quand même terminer une carrière par certains exemples. Et puis, en plus des manuels pour les médecins traitants, est-ce qu'il va y avoir, et qu'il va falloir réécrire les livres d'anatomie en réaction à cette découverte, Philippe? Oui, malheureusement, c'est rare qu'il faut réécrire les livres d'anatomie, ou plutôt les corriger. On croyait que depuis un moment, c'était réglé. Comme pour lorsqu'on ajoute, ou plutôt qu'on enlève une nouvelle planète, il faut réécrire les livres d'école. Donc oui, les livres d'école qui font une description anatomique du genou devront être réécrits, on va devoir rajouter ce petit nouveau ligament-là, avec une description de sa position, de ses points d'attachement et de sa fonction. Mais je crois que ça serait vraiment intéressant aussi qu'il rajoute un petit paragraphe pour expliquer que la science a peut-être, a toujours des surprises, et qu'il faut jamais rien prendre pour acquis, même l'anatomie descriptive. Ah, c'est un fait. Alors, c'est une très bonne remarque, Philippe. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on passe en pause publicitaire sur CKRL au 89.1, et au retour, on parle de météorites.